Section 29 de Itinéraire de Paris à Jérusalem. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Septième et dernière partie. Voyage de Tunis et retour en France. Je trouvais chez monsieur et madame de Voise l'hospitalité la plus généreuse et la société la plus aimable. Ils eurent la bonté de me garder 6 semaines au sein de leur famille, et je jouis enfin d'un repos dont j'avais un extrême besoin. On approchait du carnaval, et l'on ne songeait qu'à rire en dépit des morts. Les cendres de Didon et les ruines de Carthage entendaient le son d'un violon français. On ne s'embarrassait ni de Scipion, ni d'Annibal, ni de Marius, ni de Caton d'Utique, qu'on eût fait boire, car il aimait le vin, s'il se fût avisé de venir gourmander l'assemblée. Saint-Louis seul eût été respecté en sa qualité de Français, mais le bon et grand roi n'eût pas trouvé mauvais que ses sujets s'amusassent dans le même lieu où il avait tant souffert. Le caractère national ne peut s'effacer. Nos marins disent que, dans les colonies nouvelles, les Espagnols commencent par bâtir une église, les Anglais une taverne, les Français un fort, et j'ajoute une salle de bal. Je me trouvais en Amérique sur la frontière du pays des sauvages. J'appris qu'à la première journée je rencontrerais parmi les Indiens un de mes compatriotes. Arrivé chez les Cayugas, tribu qui faisait partie de la nation des Iroquois, mon guide me conduisit dans une forêt. Au milieu de cette forêt, on voyait une espèce de grange. Je trouvai dans cette grange une vingtaine de sauvages, hommes et femmes barbouillés comme des sorciers, le corps demi-nu, les oreilles découpées, des plumes de corbeau sur la tête et des anneaux passés dans les narines. Un petit Français, poudré et frisé comme autrefois, habit vert pomme, veste de droguet, jabot et manchette de mousseline, raclait un violon de poche et faisait danser Madelon Friquet à ses Iroquois. Monsieur Violet, c'était son nom, était maître de danse chez les sauvages. On lui payait ses leçons en peau de castor et en jambon d'ours. Il avait été marmiton au service du général Rochambeau pendant la guerre d'Amérique. Demeuré à New York, après le départ de notre armée, il résolut d'enseigner les beaux-arts aux Américains. Ses vues s'étant agrandies avec ses succès, le nouvel Orphée porta la civilisation jusque chez les hordes errantes du Nouveau Monde. En me parlant des Indiens, il me disait toujours « ces messieurs sauvages et ces dames sauvages ». Il se louait beaucoup de la légèreté de ses écoliers. En effet, je n'ai jamais vu faire de telles gambades. Monsieur Violet, tenant son petit violon entre son menton et sa poitrine, accordait l'instrument fatal. Il criait en Iroquois « à vos places !» et toute la troupe sautait comme une bande de démons. Voilà ce que c'est que le génie des peuples. Nous dansâmes donc aussi sur les débris de Carthage. Ayant vécu à Tunis absolument comme en France, je ne suivrai plus les dates de mon journal. Je traiterai les sujets d'une manière générale et selon l'ordre dans lequel ils s'offriront à ma mémoire. Mais avant de parler de Carthage et de ses ruines, je dois nommer les différentes personnes que j'ai connues en Barbarie. Outre monsieur le consul de France, je voyais souvent monsieur Lessing, consul de Hollande, son beau-frère monsieur Humbert, officier ingénieur hollandais, commandait à la Goulette. C'est avec le dernier que j'ai visité les ruines de Carthage. J'ai eu infiniment à me louer de sa complaisance et de sa politesse. Je rencontrai aussi monsieur Lear, consul des États-Unis. J'avais été autrefois recommandé en Amérique au général Washington. Monsieur Lear avait occupé une place auprès de ce grand homme. Il voulut bien, en mémoire de mon illustre patron, me faire donner passage sur un schooner des États-Unis. Ce schooner me déposa en Espagne, comme je le dirai à la fin de cet itinéraire. Enfin, je vis à Tunis, tant à la légation que dans la ville, plusieurs jeunes Français à qui mon nom n'était pas tout à fait étranger. Je ne dois point oublier les restes de l'intéressante famille de M. Handanson. Si la multitude des récits fatigue l'écrivain qui veut parler aujourd'hui de l'Égypte et de la Judée, il éprouve au sujet des antiquités de l'Afrique un embarras tout contraire par la disette des documents. Ce n'est pas qu'on manque de voyages en barbarie. Je connais une trentaine de relations des royaumes de Maroc, d'Alger et de Tunis. Toutefois, ces relations sont insuffisantes. Parmi les anciens voyages, il faut distinguer l'Africa Illustrata de Gramey et le savant ouvrage de Shaw. Les missions des Pères de la Trinité et des Pères de la Merci renferment des miracles de charité. Mais elles ne parlent point et ne doivent point parler des Romains et des Carthaginois. Les mémoires imprimées à la suite des voyages de Paul Lucas ne contiennent que le récit d'une guerre civile à Tunis. Shaw aurait pu suppléer à tout s'il avait étendu ses recherches à l'histoire. Malheureusement, il ne la considère que sous les rapports géographiques. Il touche à peine en passant les antiquités. Carthage, par exemple, n'occupe pas dans ses observations plus de place que Tunis. Parmi les voyageurs tout à fait modernes, Lady Montagu, l'abbé Poiret, M. Desfontaines, disent quelques mots de Carthage, mais sans s'y arrêter aucunement. On a publié à Milan, en 1806, l'année même de mon voyage, un ouvrage sous ce titre, Raguaglio di alcuni monumenti di antiquita ed arti raccolti negli ultimi viaggi d'un dilettante. Je crois qu'il est question de Carthage dans ce livre. J'en ai retrouvé la note trop tard pour le faire venir d'Italie. On peut donc dire que le sujet que je vais traiter est neuf, j'ouvrirai la route. Les habiles viendront après moi. Avant de parler de Carthage, qui est ici le seul objet intéressant, il faut commencer par nous débarrasser de Tunis. Cette ville conserve à peu près son nom antique. Les Grecs et les Latins l'appelaient Tunès, et Diodore lui donne l'épithète de blanche, Leucone, parce qu'elle est bâtie sur une colline crayeuse. Elle est à 12 000 des ruines de Carthage et presque au bord d'un lac dont l'eau est salée. Ce lac communique avec la mer au moyen d'un canal appelé la Goulette, et ce canal est défendu par un fort. Les vaisseaux marchands mouillent devant ce fort, où ils se mettent à l'abri derrière la jetée de la Goulette, en payant un droit d'ancrage considérable. Le lac de Tunis pouvait servir de port aux flottes des anciens. Aujourd'hui, une de nos barques a bien de la peine à le traverser sans échouer. Il faut avoir soin de suivre le principal canal qu'indiquent les pieux plantés dans la vase. Aboulfeda marque dans ce lac une île qui sert maintenant de lazaret. Les voyageurs ont parlé de flamants ou phénicoptères qui animent cette grande flaque d'eau, d'ailleurs assez triste. Quand ces beaux oiseaux volent à l'encontre du soleil, tendant le cou en avant et allongeant les pieds en arrière, ils ont l'air de flèches empennées avec des plumes couleur de rose. Des bords du lac, pour arriver à Tunis, il faut traverser un terrain qui sert de promenade aux francs. La ville est murée. Elle peut avoir une lieue de tour en comprenant le faubourg extérieur, Beled El Adha. Les maisons en sont basses, les rues étroites, les boutiques pauvres, les mosquées chétives. Le peuple, qui se montre peu au dehors, a quelque chose de hagard et de sauvage. On rencontre, sous les portes de la ville, ce qu'on appelle des sidis ou des saints. Ce sont des négresses et des nègres tout nus, dévorés par la vermine, vautrés dans leurs ordures, et mangeant insolemment le pain de la charité. Ces sales créatures sont sous la protection immédiate de Mahomet. Des marchands européens, des Turcs enrôlés à Smyrne, des morts, des générés, des renégats et des captifs composent le reste de la population. La campagne aux environs de Tunis est agréable. Elle présente de grandes plaines semées de blé et bordées de collines qu'ombragent des oliviers et des caroubiers. Un aqueduc moderne, d'un bon effet, traverse une vallée derrière la ville. Le bey a sa maison de campagne au fond de cette vallée. De Tunis même, on découvre au midi les collines dont j'ai parlé. On voit à l'orient les montagnes de Mamélif, montagnes singulièrement déchirées, d'une figure bizarre, et au pied desquelles se trouvent les eaux chaudes connues des anciens. À l'ouest et au nord, on aperçoit la mer, le port de la Goulette et les ruines de Carthage. Les Tunisiens sont cependant moins cruels et plus civilisés que les peuples d'Alger. Ils ont recueilli les morts d'Andalousie, qui habitent le village de Toubourbeau, à 6 lieues de Tunis, sur la Medjerda. Le bey actuel est un homme habile. Il cherche à se tirer de la dépendance d'Alger, à laquelle Tunis est soumise depuis la conquête qu'en firent les Algériens en 1757. Ce prince parle italien, cause avec esprit, et entend mieux la politique de l'Europe que la plupart des Orientaux. On sait au reste que Tunis fut attaquée par Saint-Louis en 1270 et prise par Charles Quint en 1535. Comme la mort de Saint-Louis se lie à l'histoire de Carthage, j'en parlerai ailleurs. Quant à Charles Quint, il défie le fameux Barberousse et rétablit le roi de Tunis sur son trône en l'obligeant toutefois à payer un tribut à l'Espagne. On peut consulter à ce sujet l'ouvrage de Robertson. Charles Quint garda le fort de la Goulette, mais les Turcs le reprirent en 1574. Je ne dis rien de la Tunis des anciens, parce qu'on va la voir figurer à l'instant dans les guerres de Rome et de Carthage. Au reste, on m'a fait présent à Tunis d'un manuscrit qui traite de l'état actuel de ce royaume, de son gouvernement, de son commerce, de son revenu, de ses armées, de ses caravanes. Je n'ai point voulu profiter de ce manuscrit, je n'en connais point l'auteur, mais quel qu'il soit, il est juste qu'il recueille l'honneur de son travail. Je donnerai cet excellent mémoire à la fin de l'itinéraire. Je passe maintenant à l'histoire et aux ruines de Carthage. L'an 883 avant notre ère, Didon, obligé de fuir sa terre natale, vint aborder en Afrique. Carthage, fondée par l'épouse de Siché, dut ainsi sa naissance à l'une de ces aventures tragiques qui marquent le berceau des peuples et qui sont comme le germe et le présage des maux, fruits plus ou moins tardifs de toute société humaine. On connaît l'heureux anachronisme de l'Énéide. Tel est le privilège du génie, que les poétiques malheurs de Didon sont devenus une partie de la gloire de Carthage. À la vue des ruines de cette cité, on cherche les flammes du bûcher funèbre. On croit entendre les imprécations d'une femme abandonnée. On admire ces puissants mensonges qui peuvent occuper l'imagination dans des lieux remplis des plus grands souvenirs de l'histoire. Certes, lorsqu'une reine expirante appelle dans les murs de Carthage les divinités ennemies de Rome et les dieux vengeurs de l'hospitalité. Lorsque Vénus, sourde aux prières de l'amour, exauce les vœux de la haine, qu'elle refuse à Didon un descendant d'Aîné et lui accorde Hannibal. De telles merveilles exprimées dans un merveilleux langage ne peuvent plus être passées sous silence. L'histoire prend alors son rang parmi les muses et la fiction devient aussi grave que la vérité. Après la mort de Didon, la nouvelle colonie adopta un gouvernement dont Aristote a vanté les lois. Les pouvoirs balancés, avec art, entre les deux premiers magistrats, les nobles et le peuple, eurent cela de particulier qu'ils subsistèrent pendant 7 siècles sans se détruire. À peine furent-ils ébranlés par des séditions populaires et par quelques conspirations des grands. Comme les guerres civiles, source des crimes publics, sont cependant mères des vertus particulières, la République gagna plus qu'elle ne perdit à ses orages. Si ses destinées sur la terre ne furent pas aussi longues que celles de sa rivale, du moins à Carthage, la liberté ne succomba qu'avec la patrie. Mais, comme les nations les plus libres sont aussi les plus passionnées, nous trouvons, avant la première guerre punique, les Carthaginois engagés dans des guerres honteuses. Ils donnèrent des chaînes à ces peuples de la Bétique, dont le courage ne sauva pas la vertu. Ils s'allièrent avec Xerxès et perdirent une bataille contre Gélon, le même jour que les Lacédémoniens succombèrent aux Thermopyles. Les hommes, malgré leurs préjugés, font un tel cas des sentiments nobles que personne ne songe aux 80 000 Carthaginois égorgés dans les champs de la Sicile, tandis que le monde entier s'entretient des 300 Spartiates morts pour obéir aux saintes lois de leur pays. C'est la grandeur de la cause et non pas celle des moyens qui conduit à la véritable renommée. Et l'honneur a fait dans tous les temps la partie la plus solide de la gloire. Après avoir combattu tour à tour Agathocle en Afrique et Pyrrhus en Sicile, les Carthaginois en vinrent aux mains avec la République romaine. La cause de la première guerre punique fut légère, mais cette guerre amena Régulus aux portes de Carthage. Les Romains, ne voulant point interrompre le cours des victoires de ce grand homme, ni envoyer les consuls Fulvius et M. Aemilius prendre sa place, lui ordonnèrent de rester en Afrique en qualité de proconsul. Il se plaignit de ses honneurs. Il écrivit au Sénat et le pria instamment de lui ôter le commandement de l'armée. Une affaire importante aux yeux de Régulus demandait sa présence en Italie. Il avait un champ de 7 arpents à Popinium. Le fermier de ce champ étant mort, le valet du fermier s'était enfui avec les bœufs et les instruments de labourage. Régulus représentait au sénateur que si sa ferme demeurait en friche, il lui serait impossible de faire vivre sa femme et ses enfants. Le Sénat ordonna que le champ de Régulus serait cultivé aux frais de la République, qu'on tirerait du trésor l'argent nécessaire pour racheter les objets volés et que les enfants et la femme du proconsul seraient, pendant son absence, nourris aux dépens du peuple romain. Dans une juste admiration de cette simplicité, Tite-Live s'écrie « Oh, combien la vertu est préférable aux richesses ! Celles-ci passent avec ceux qui les possèdent. La pauvreté de Régulus est encore en vénération. » Régulus, marchant de victoire en victoire, s'empara bientôt de Tunis. La prise de cette ville jeta la consternation parmi les Carthaginois. Ils demandèrent la paix au proconsul. Ce laboureur romain prouva qu'il est plus facile de conduire la charrue après avoir remporté des victoires que de diriger d'une main ferme une prospérité éclatante. Le véritable grand homme est surtout fait pour briller dans le malheur. Il semble égaré dans le succès et paraît comme étranger à la fortune. Régulus proposa aux ennemis des conditions si dures qu'ils se virent forcés de continuer la guerre. Pendant ces négociations, la destinée amenait au travers des mers un homme qui devait changer le cours des événements. Un lacédémonien, nommé Xantippe, vint retarder la chute de Carthage. Il livre bataille aux Romains sous les murs de Tunis, détruit leur armée, fait Régulus prisonnier, se rembarque et disparaît sans laisser d'autres traces dans l'histoire. Régulus, conduit à Carthage, éprouva les traitements les plus inhumains. On lui fit expier les durs triomphes de sa patrie. Ceux qui traînaient à leur char avec tant d'orgueil des rois tombés du trône, des femmes, des enfants en pleurs, pouvaient-ils espérer qu'on respectât dans les fers un citoyen de Rome? La fortune redevint favorable aux Romains. Carthage demanda une seconde fois la paix. Elle envoya des ambassadeurs en Italie. Régulus les accompagnait. Ses maîtres lui firent donner sa parole qu'il reviendrait prendre ses chaînes si les négociations n'avaient pas une heureuse issue. On espérait qu'il plaiderait fortement en faveur d'une paix qui lui devait rendre sa patrie. Régulus, arrivé aux portes de Rome, refusa d'entrer dans la ville. Il y avait une ancienne loi qui défendait à tout étranger d'introduire dans le Sénat les ambassadeurs d'un peuple ennemi. Régulus, se regardant comme un envoyé des Carthaginois, fit revivre en cette occasion l'antique usage. Les sénateurs furent donc obligés de s'assembler hors des murs de la cité. Régulus leur déclara qu'il venait, par l'ordre de ses maîtres, demander au peuple romain la paix ou l'échange des prisonniers. Les ambassadeurs de Carthage, après avoir exposé l'objet de leur mission, se retirèrent. Régulus les voulut suivre, mais les sénateurs le prièrent de rester à la délibération. Pressé de dire son avis, il représenta fortement toutes les raisons que Rome avait de continuer la guerre contre Carthage. Les sénateurs, admirant sa fermeté, désiraient sauver un tel citoyen. Le grand pontife soutenait qu'on pouvait le dégager des serments qu'il avait faits. « Suivez les conseils que je vous ai donnés, » dit l'illustre captif d'une voix qui étonna l'assemblée, « et oubliez Régulus. Je ne demeurerai point dans Rome, après avoir été l'esclave de Carthage. Je n'attirerai point sur vous la colère des dieux. J'ai promis aux ennemis de me remettre entre leurs mains si vous rejetiez la paix. Je tiendrai mon serment. On ne trompe point Jupiter par de vaines expiations. Le sang des taureaux et des brebis ne peut effacer un mensonge. Et le sacrilège est puni, tôt ou tard. Je n'ignore point le sort qui m'attend. Mais un crime flétrirait mon âme. La douleur ne brisera que mon corps. D'ailleurs, il n'est point de mot pour celui qui sait les souffrir. S'il passe les forces de la nature, la mort nous en délivre. Père conscrit, cessez de me plaindre. J'ai disposé de moi, et rien ne pourra me faire changer de sentiment. Je retourne à Carthage, je fais mon devoir, et je laisse faire aux dieux. Régulus mit le comble à sa magnanimité. Afin de diminuer l'intérêt qu'on prenait à sa vie et pour se débarrasser d'une compassion inutile, il dit au sénateur que les Carthaginois lui avaient fait boire un poison lent avant de sortir de prison. « Ainsi, ajouta-t-il, vous ne perdrez de moi que quelques instants qui ne valent pas la peine d'être rachetés par un parjure. » Il se leva, s'éloigna de Rome sans proférer une parole de plus, tenant les yeux attachés à la terre et repoussant sa femme et ses enfants, soit qu'il craignît d'être attendri par leurs adieux, soit que, comme esclave carthaginois, il se trouva indigne des embrassements d'une matrone romaine. Il finit ses jours dans d'affreux supplices, si toutefois le silence de Polybe et de Diodore ne balance pas le récit des historiens latins. Régulus fut un exemple mémorable de ce que peuvent, sur une âme courageuse, la religion du serment et l'amour de la patrie. Que si l'orgueil eut peut-être un peu de part à la résolution de ce mal génie, se punir ainsi d'avoir été vaincu, c'était être digne de la victoire. Après 24 années de combat, un traité de paix mit fin à la première guerre punique. Mais les Romains n'étaient déjà plus ce peuple de laboureurs conduit par un sénat de rois, élevant des autels à la modération et à la petite fortune. C'étaient des hommes qui se sentaient faits pour commander, et que l'ambition poussait incessamment à l'injustice. Sous un prétexte frivole, ils envahirent la Sardaigne, et s'applaudirent d'avoir fait en pleine paix une conquête sur les Carthaginois. Ils ne savaient pas que le vengeur de la foi violée était déjà aux portes de sa Gonte, et que bientôt il paraîtrait sur les collines de Rome. Ici commence la seconde guerre punique. Hannibal me paraît avoir été le plus grand capitaine de l'Antiquité. Si ce n'est pas celui que l'on aime le mieux, c'est celui qui étonne davantage. Il n'eut ni l'héroïsme d'Alexandre, ni les talents universels de César, mais il les surpassa l'un et l'autre comme homme de guerre. Ordinairement, l'amour de la patrie ou de la gloire conduit les héros au prodige. Hannibal seul est guidé par la haine. Livré à ce génie d'une nouvelle espèce, il part des extrémités de l'Espagne avec une armée composée de 20 peuples divers. Il franchit les Pyrénées et les Gaules, dont les nations ennemies sur son passage, traverse les fleuves, arrive au pied des Alpes. Ces montagnes sans chemin, défendues par des barbares, opposent en vain leurs barrières à Hannibal. Ils tombent de leur sommet glacé sur l'Italie, écrasent la première armée consulaire sur les bords du Tessin, frappent un second coup à la Trébia, un troisième à Trasimène, et du quatrième coup de son épée, il semble immoler Rome dans la plaine de Cannes. Pendant 16 années, il fait la guerre sans secours au sein de l'Italie. Pendant 16 années, il ne lui échappe qu'une de ces fautes qui décident du sort des empires, et qui paraissent si étrangères à la nature d'un grand homme qu'on peut les attribuer raisonnablement à un dessein de la Providence. Infatigable dans les périls, inépuisable dans les ressources, fin, ingénieux, éloquent, savant même, et auteur de plusieurs ouvrages, Hannibal eut toutes les distinctions qui appartiennent à la supériorité de l'esprit et à la force du caractère. Mais il manqua des hautes qualités du cœur. Froid, cruel, sans entrailles, né pour renverser et non pour fonder des empires, il fut en magnanimité fort inférieur à son rival. Le nom de Scipion l'Africain est un des beaux noms de l'histoire. L'ami des dieux, le généreux protecteur de l'infortune et de la beauté, Scipion a quelques traits de ressemblance avec nos anciens chevaliers. En lui commence cette urbanité romaine, ornement du génie de Cicéron, de Pompée, de César, et qui remplaça chez ses citoyens illustres la rusticité de Caton et de Fabricius. Hannibal et Scipion se rencontrèrent au champ de Zama, l'un célèbre par ses victoires, l'autre fameux par ses vertus. Dignes tous les deux de représenter leur grande patrie et de se disputer l'empire du monde. Au départ de la flotte de Scipion pour l'Afrique, le rivage de la Sicile était bordé d'un peuple immense et d'une foule de soldats. 400 vaisseaux de charge et 50 trirèmes couvraient la rade de l'Ilibée. On distinguait à ces 3 fanaux la galère de Lélius, amiral de la flotte. Les autres vaisseaux, selon leur grandeur, portaient 1 ou 2 lumières. Les yeux du monde étaient attachés sur cette expédition qui devait arracher Hannibal de l'Italie et décider enfin du sort de Rome et de Carthage. la 5e et 6e légion, qui s'étaient trouvées à la bataille de Cannes, brûlaient du désir de ravager les foyers du vainqueur. Le général surtout attirait les regards, sa piété envers les dieux, ses exploits en Espagne, où il avait vengé la mort de son oncle et de son père, le projet de rejeter la guerre en Afrique, projet que lui seul avait conçu contre l'opinion du grand Fabius, enfin cette faveur que les hommes accordent aux entreprises hardies, à la gloire, à la beauté, à la jeunesse, faisait de Scipion l'objet de tous les vœux comme de toutes les espérances. Le jour du départ ne tarda pas d'arriver. Au lever de l'aurore, Scipion parut sur la poupe de la galère de l'Hélios, à la vue de la flotte et de la multitude qui couvrait les hauteurs du rivage. Un héros leva son sceptre et fit faire silence. « Dieux et déesses de la terre, s'écria Scipion, et vous, divinités de la mer, accordez une heureuse issue à mon entreprise. Que mes desseins tournent à ma gloire et à celle du peuple romain. Que plein de joie nous retournions un jour dans nos foyers, chargés de dépouilles de l'ennemi, et que Carthage éprouve les malheurs dont elle avait menacé ma patrie. » Cela dit, on égorge une victime, Scipion en jette les entrailles fumantes dans la mer, les voiles se déploient au son de la trompette, un vent favorable emporte la flotte entière loin des rivages de la Sicile. Le lendemain du départ, on découvrit la terre d'Afrique et le promontoire de Mercure. La nuit survint et la flotte fut obligée de jeter l'ancre. Au retour du soleil, Scipion, apercevant la côte, demanda le nom du promontoire le plus voisin des vaisseaux. « C'est le Cap Bon, » répondit le pilote. À ce nom d'heureux augure, le général, saluant la fortune de Rome, ordonna de tourner la proue de sa galère vers l'endroit désigné par les dieux. Le débarquement s'accomplit sans obstacle. La consternation se répandit dans les villes et dans les campagnes. Les chemins étaient couverts d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuyaient avec leurs troupeaux. On eût cru voir une de ces grandes migrations des peuples, quand les nations entières, par la colère ou par la volonté du ciel, abandonnent les tombeaux de leurs aïeux. L'épouvante saisit Carthage. On crie aux armes, on ferme les portes, on place des soldats sur les murs, comme si les Romains étaient déjà prêts à donner l'assaut. Cependant, Scipion avait envoyé sa flotte vers Utique. Il marchait lui-même par terre à cette ville, dans le dessein de l'assiéger. Massinissa vint le rejoindre avec 2000 chevaux. Ce roi numide, d'abord allié des Carthaginois, avait fait la guerre aux Romains en Espagne. Par une suite d'aventures extraordinaires, ayant perdu et recouvré plusieurs fois son royaume, il se trouvait fugitif quand Scipion débarqua en Afrique. Syphax, prince des Gétules, qui avait épousé Sophonisbe, fille d'Asdrubal, venait de s'emparer des états de Massinissa. Celui-ci se jeta dans les bras de Scipion, et les Romains lui durent en partie le succès de leurs armes. Après quelques combats heureux, Scipion mit le siège devant Utique. Les Carthaginois, commandés par Asdrubal et par Syphax, formèrent deux camps séparés à la vue du camp romain. Scipion parvint à mettre le feu à ces deux camps, dont les tentes étaient faites de nattes et de roseaux, à la manière des Numides. 40 000 hommes périrent ainsi dans une seule nuit. Le vainqueur, qui prit dans cette circonstance une quantité prodigieuse d'armes, les fit brûler en l'honneur de Vulcain. Les Carthaginois ne se découragèrent point. Ils ordonnèrent de grandes levées. Syphax, touché des larmes de Sophonisbe, demeura fidèle au vaincu et s'exposa de nouveau pour la patrie d'une femme qu'il aimait avec passion. Toujours favorisé du ciel, Scipion battit les armées ennemies, prit les villes de leurs dépendances, s'empara de Tunis et menaça Carthage d'une entière destruction. Entraîné par son fatal amour, Syphax osa reparaître devant les vainqueurs avec un courage digne d'un meilleur sort. Abandonné des siens sur le champ de bataille, il se précipite seul dans les escadrons romains. Il espérait que ses soldats, honteux d'abandonner leur roi, tourneraient la tête et viendraient mourir avec lui. Mais ses lâches continuèrent à fuir, et Syphax, dont le cheval fut tué d'un coup de pique, tomba vivant entre les mains de Massinissa. C'était un grand sujet de joie pour ce dernier prince de tenir prisonnier celui qui lui avait ravi la couronne. Quelque temps après, le sort des armes mit aussi au pouvoir de Massinissa, Sophonisbe, femme de Syphax. Elle se jette aux pieds du vainqueur. Je suis ta prisonnière, ainsi le veulent les dieux, ton courage et la fortune. Mais par tes genoux que j'embrasse, par cette main triomphante que tu me permets de toucher, je t'en supplie, ô Massinissa, garde-moi pour ton esclave, sauve-moi de l'horreur de devenir la proie d'un barbare. Hélas, il n'y a qu'un moment que j'étais, ainsi que toi-même, environné de la majesté des rois. Songe que tu ne peux renier ton sang, que tu partages avec Syphax le nom de Numide. Mon époux sortit de ce palais par la colère des dieux. Puisses-tu y être entrée sous de plus heureux auspices? Citoyenne de Carthage, fille d'Astrobal, juge de ce que je dois attendre d'un Romain. Si je ne puis rester dans les fers d'un prince né sur le sol de ma patrie, si la mort peut seule me soustraire aux joug de l'étranger, donne-moi cette mort, je la compterai au nombre de tes bienfaits. Massinissa fut touchée des pleurs et du sort de Sophonisbe. Elle était dans tout l'éclat de la jeunesse et d'une incomparable beauté. Ses supplications, dit Tite-Live, étaient moins des prières que des caresses. Massinissa, vaincue, lui promit tout, et non moins passionné que Syphax, il fit son épouse de sa prisonnière. Syphax, chargé de fer, fut présenté à Scipion. Ce grand homme, qui naguère avait vu sur un trône celui qu'il contemplait à ses pieds, se sentit touché de compassion. Syphax avait été autrefois l'allié des Romains. Il rejeta la faute de sa défection sur Sophonisbe. « Les flambeaux de mon fatal Hyménée, dit-il, ont réduit mon palais en cendres. Mais une chose me console. La furie qui a détruit ma maison est passée dans la couche de mon ennemi. Elle réserve à Massinissa un sort pareil au mien. » Syphax cachait ainsi, sous l'apparence de la haine, la jalousie qui lui arrachait ses paroles. Car ce prince aimait encore Sophonisbe. Scipion n'était pas sans inquiétude. Il craignait que la fille d'Asdrubal ne prît sur Massinissa l'empire qu'elle avait eu sur Syphax. La passion de Massinissa paraissait déjà d'une violence extrême. Il s'était hâté de célébrer ses noces avant d'avoir quitté les armes. Impatient de s'unir à Sophonisbe, il avait allumé les torches nuptiales devant les dieux domestiques de Syphax, devant ces dieux accoutumés à exaucer les vœux formés contre les Romains. Massinissa était revenue auprès de Scipion. Celui-ci, en donnant des louanges au roi des Numides, lui fit quelques légers reproches de sa conduite envers Sophonisbe. Alors Massinissa rentra en lui-même et, craignant de s'attirer la disgrâce des Romains, sacrifia son amour à son ambition. On l'entendit gémir au fond de sa tente et se débattre contre ces sentiments généreux que l'homme n'arrache point de son cœur sans violence. Il fit appeler l'officier chargé de garder le poison du roi. Ce poison servait aux princes africains à se délivrer de la vie quand ils étaient tombés dans un malheur sans remède. Ainsi la couronne, qui n'était point chez eux à l'abri des révolutions de la fortune, était du moins à l'abri du mépris. Massinissa mêla le poison dans une coupe pour l'envoyer à Sophonisbe, puis, s'adressant à l'officier chargé du triste message, dis à la reine que si j'avais été le maître, jamais Massinissa n'eût été séparée de Sophonisbe. Les dieux des Romains en ordonnent autrement. Je lui tiens du moins une de mes promesses. Elle ne tombera point vivante entre les mains de ses ennemis. Si elle se soumet à sa fortune en citoyenne de Carthage, en fille d'Asdrubal et en femme de Syphax et de Massinissa. L'officier entra chez Sophonisbe et lui transmit l'ordre du roi. « Je reçois ce don nuptial avec joie, répondit-elle, puisqu'il est vrai qu'un mari n'a pu faire à sa femme d'autres présents. Dis à ton maître qu'en perdant la vie, j'aurais du moins conservé l'honneur si je n'eusse point épousé Massinissa la veille de ma mort. » Elle avala le poison. Ce fut dans ces conjonctures que les Carthaginois rappelèrent Hannibal de l'Italie. Il versa des larmes de rage, il accusa ses concitoyens, il s'en prit aux dieux, il se reprocha de n'avoir pas marché à Rome après la bataille de Cannes. Jamais homme, en quittant son pays pour aller en exil, n'éprouva plus de douleur qu'Hannibal en s'arrachant d'une terre étrangère pour rentrer dans sa patrie. Il débarqua sur la côte d'Afrique avec les vieux soldats qui avaient traversé comme lui les Espagnes, les Gaules, l'Italie, qui montraient plus de faisceaux ravis à des prêteurs, à des généraux, à des consuls, que tous les magistrats de Rome n'en faisaient porter devant eux. Hannibal avait été 36 ans absent de sa patrie. Il en était sorti enfant. Il y revenait, dans un âge avancé, ainsi qu'il le dit lui-même à Scipion. Quelles durent être les pensées de ce grand homme quand il revit Carthage, dont les murs et les habitants lui étaient presque étrangers. Deux de ses frères étaient morts, les compagnons de son enfance avaient disparu, les générations s'étaient succédées, les temples chargés de la dépouille des Romains furent sans doute les seuls lieux qu'Hannibal put reconnaître dans cette Carthage nouvelle. Si ses concitoyens n'avaient pas été aveuglés par l'envie, avec quelle admiration ils auraient contemplé ce héros qui, depuis 30 ans, versait son sang pour eux dans une région lointaine et les couvrait d'une gloire ineffaçable. Mais quand les services sont si éminents qu'ils excèdent les bornes de la reconnaissance, ils ne sont payés que par l'ingratitude. Hannibal eut le malheur d'être plus grand que le peuple chez lequel il était né, et son destin fut de vivre et de mourir en terre étrangère. Il conduisit son armée à Zama. Scipion rapprocha son camp de celui d'Hannibal. Le général carthaginois eut un pressentiment de l'infidélité de la fortune, car il demanda une entrevue au général romain, afin de lui proposer la paix. On fixa le lieu du rendez-vous. Quand les deux capitaines furent en présence, ils demeurèrent muets et saisis d'admiration l'un pour l'autre. Hannibal prit enfin la parole. « Scipion, les dieux ont voulu que votre père eût été le premier des généraux ennemis à qui je me sois montré en Italie, les armes à la main. Ces mêmes dieux m'ordonnent de venir aujourd'hui, désarmé, demander la paix à son fils. Vous avez vu les Carthaginois campés aux portes de Rome. Le bruit d'un camp romain se fait entendre à présent jusque dans les murs de Carthage. Sorti enfant de ma patrie, j'y rentre plein de jours. Une longue expérience de la bonne et de la mauvaise fortune m'a appris à juger des choses par la raison et non par l'événement. Votre jeunesse et le bonheur qui ne vous a point encore abandonné vous rendront peut-être ennemi du repos. Dans la prospérité, on ne songe point au revers. Vous avez l'âge que j'avais à Cannes et à Trasimène. Voyez ce que j'ai été, et connaissez par mon exemple l'inconstance du sort. Celui qui vous parle en suppliant est ce même Hannibal qui, campé entre le Tibre et le Tévron, prêt à donner l'assaut à Rome, délibérait sur ce qu'il ferait de votre patrie. J'ai porté l'épouvante dans les champs de vos pères, et je suis réduit à vous prier d'épargner de tels malheurs à mon pays. Rien n'est plus incertain que le succès des armes. Un moment peut vous ravir votre gloire et vos espérances. Consentir à la paix, c'est rester vous-même l'arbitre de vos destinées. Combattre, c'est remettre votre sort entre les mains des dieux. » À ce discours étudié, Scipion répondit avec plus de franchise, mais moins d'éloquence. Il rejeta comme insuffisantes les propositions de paix que lui faisait Hannibal, et l'on ne songea plus qu'à combattre. Il est probable que l'intérêt de la patrie ne fut pas le seul motif qui porta le général romain à rompre avec le général carthaginois, et que Scipion ne put se défendre du désir de se mesurer avec Hannibal. Le lendemain de cette entrevue, deux armées, composées de vétérans, conduites par les deux plus grands capitaines des deux plus grands peuples de la terre, s'avancèrent pour se disputer, non les murs de Rome et de Carthage, mais l'empire du monde pris de ce dernier combat. Scipion plaça les piquiers au premier rang, les princes au second, et les trières au troisième. Il rompit ses lignes par des intervalles égaux afin d'ouvrir un passage aux éléphants des Carthaginois. Des vélites répandues dans ces intervalles devaient, selon l'occasion, se replier derrière les soldats pesamment armés ou lancer sur les éléphants une grêle de flèches et de javelots. Lélius couvrait l'aile gauche de l'armée avec la cavalerie latine, et Massinissa commandait à l'aile droite les chevaux numides. Hannibal rangea 80 éléphants sur le front de son armée, dont la première ligne était composée de Liguriens, de Gaulois, de Baléares et de Maures. Les Carthaginois venaient au second rang. Des Brutiens formaient derrière eux une espèce de réserve sur laquelle le général comptait peu. Hannibal opposa sa cavalerie à la cavalerie des Romains, les Carthaginois à Lélius et les Numides à Massinissa. Les Romains sonnent les premiers la charge. Ils poussent en même temps de si grands cris qu'une partie des éléphants effrayés se replient sur l'aile gauche de l'armée d'Hannibal et jettent la confusion parmi les cavaliers Numides. Massinissa aperçoit leur désordre, fond sur eux et achève de les mettre en fuite. L'autre partie des éléphants, qui s'était précipitée sur les Romains, est repoussée par les Vélites et cause à l'aile droite des Carthaginois le même accident qu'à l'aile gauche. Ainsi, dès le premier choc, Hannibal demeura sans cavalerie et découvert sur ses deux flancs. Des raisons puissantes que l'histoire n'a pas connues l'empêchèrent sans doute de songer à la retraite. L'infanterie en étant venue aux mains, les soldats de Scipion enfoncèrent facilement la première ligne de l'ennemi qui n'était composée que de mercenaires. Les Romains et les Carthaginois se trouvèrent alors face à face. Les premiers, pour arriver aux seconds, étant obligés de passer sur des monceaux de cadavres, rompirent leur ligne et furent au moment de perdre la victoire. Scipion voit le danger et change son ordre de bataille. Il fait passer les princes et les trières au premier rang et les place à la droite et à la gauche des piquiers. Il déborde par ce moyen le front de l'armée d'Hannibal, qui avait déjà perdu sa cavalerie, et la première ligne de ses fantassins. Les vétérans carthaginois soutinrent la gloire qu'ils s'étaient acquise dans tant de batailles. On reconnaissait parmi eux à leur couronne de simples soldats qui avaient tué de leurs propres mains des généraux et des consuls. Mais la cavalerie romaine, revenant de la poursuite des ennemis, charge par derrière les vieux compagnons d'Hannibal. Entourés de toutes parts, ils combattent jusqu'au dernier soupir et n'abandonnent leur drapeau qu'avec la vie. Hannibal lui-même, après avoir fait tout ce qu'on peut attendre d'un grand général et d'un soldat intrépide, se sauve avec quelques cavaliers. Resté maître du champ de bataille, Scipion donna de grands éloges à l'habileté que son rival avait déployée dans les événements du combat. Était-ce générosité ou orgueil? Peut-être l'une et l'autre, car le vainqueur était Scipion et le vaincu, Hannibal. La bataille de Zama mit fin à la seconde guerre punique. Carthage demanda la paix et ne la reçut qu'à des conditions qui présageaient sa ruine prochaine. Hannibal, n'osant se fier à la foi d'un peuple ingrat, abandonna sa patrie. Il erra dans les cours étrangères, cherchant partout des ennemis aux Romains, et partout poursuivi par eux, donnant à de faibles rois des conseils qu'ils étaient incapables de suivre, et apprenant par sa propre expérience qu'il ne faut porter chez les autres couronnés ni gloire ni malheur. On assure qu'il rencontra Scipion à Éphèse, et que s'entretenant avec son vainqueur, celui-ci lui dit « À votre avis, Hannibal, quel a été le premier capitaine du monde ?»« Alexandre, » répondit le Carthaginois. « Et le second ?» repartit Scipion. « Pyrrhus. Et le troisième ?»« Moi. » « Que serait-ce donc ?» s'écria Scipion en riant, « si vous m'aviez vaincu. »« Je me serais placé, » répondit Hannibal, « avant Alexandre. » Mot qui prouve que l'illustre banni avait appris dans les cours l'art de la flatterie, et qu'il avait à la fois trop de modestie et trop d'orgueil. Fin de la section 29.